بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue sur votre radio Miracle Anbiya pour cette deuxième assise autour des fondements et des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et ces fondements et ces particularités sont extraits de ce qu'a écrit l'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala dans ses livres. Et nous continuons de parler du premier paragraphe. Nous sommes toujours en train de parler du premier paragraphe, qui sont les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, et c'est quoi leurs attributs, leurs caractéristiques. Et nous avons vu lors de la première assise qu'ils ont été, l'un de leurs attributs, c'est que on les appelle le groupe victorieux, on les appelle aussi la fraction sauvée. Il fait partie aussi des attributs et de leur nom, les gens du hadith. Donc, qui sont les gens du hadith? C'est ce que nous allons savoir au début de cette assise. يقول الشيخ حفظه الله هم من نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجد وتقديمهما على كل قول وهدى، سواء في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسياسة والاجتماع، فهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, qui sont les gens du hadith? Cheikh Rabi' nous dit, ce sont ceux qui ont pris la même voie que la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim et de leurs successeurs et de ceux qui les ont suivis à la perfection, dont le fait de se cramponner au livre et à la sunna et de mordre dessus avec leurs molaires, et de mettre en avant le livre et la sunna au devant de toute parole et de toute opinion, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau du comportement, au niveau des transactions, au niveau de la politique ou du social. Ils sont fermes sur les fondements de la religion et sur les détails qui découlent de ces fondements. Ils sont fermes sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son serviteur et messager Muhammad alayhi salatu wa salam. يقول حفظه الله وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Il dit حفظه الله تعالى, ce sont eux qui accomplissent la da'wa vers la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons. Ils accomplissent la da'wa vers le livre et la sunna avec fermeté, véracité, grand enthousiasme, et ils portent la science prophétique et ils éloignent de la science prophétique et de la religion les déformations des extrémistes et les déguisements des faussaires, ainsi et aussi ils éloignent de la religion et de la science prophétique les fausses interprétations des ignorants. فهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وكل من شد عن منهج الله واتبع هواه في كل زمان ومكان لا تأخذهم في الله لومة لائم. C'est eux qui se sont mis face à tous les groupes et toutes les tendances qui ont dévié de la voie islamique. Ils ont combattu les Jahmites, ainsi que les Mu'tazilites, ainsi que les Khawarij, ainsi que les Rawafid, ainsi que les Murji'a et les Qadaristes, et tout un chacun qui s'est, et tout groupe, toute tendance qui s'est marginalisé de la voie d'Allah, et qui, toute tendance et tout groupe, qui suit ses passions en tout lieu, en tout temps. Ils n'ont peur de personne. Et ils font ça pour Allah Azza wa Jal. يقول هم الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاها بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. Il dit Habibullah, c'est cette fraction que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a élogé et à laquelle il a fait cette azkiya, alayhi salatu wassalam, en disant d'eux que restera toujours une fraction de ma communauté sur la vérité, faisant prévaloir la vérité, peu importe ceux qui les abandonnent et qui veulent les faiblir de l'intérieur, et ceux qui sont en divergence avec eux, et ceci jusqu'à la fin des temps. يقول هم الفرقة الناجية التابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ميزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Et donc il dit Habibullah Ta'ala, c'est le groupe sauvé ou la fraction sauvée qui est ferme sur la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons radouanullah alayhim. C'est eux que Allah subhanallah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a donné cette particularité. Il les a limités et désignés contre alayhi salatu wassalam. Il a parlé que Il a annoncé que cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous au feu de l'enfer, sauf une. Quand la question lui faut poser, qui sont-ils, ô messager d'Allah, il a dit, ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. يقول لا نقول ذلك مبالغة ولا دعاوى مجردة وإنما نقول الواقع الذي تشهد له نصوص القرآن والسنة ويشهد له التاريخ وتشهد به أقوالهم وأحوالهم ومؤلفاتهم. Il dit حفظه الله تعالى, on ne dit pas ça par exagération ou par prétention, mais on cite et on parle d'une certaine réalité pour laquelle témoignent le Coran, la Sunna, et pour laquelle témoigne l'histoire aussi. Et les paroles des gens de cette fraction sont là pour attester cette véracité, ainsi que leur situation, ainsi que leurs écrits et leurs livres qu'ils ont légués à la communauté. يقول هم الذين وضعوا نصب أعينهم قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فكانوا أشد بعدا عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الفتن. Il dit, حفظه الله تعالى, c'est eux qui ont mis en face d'eux, hein, et toujours présent dans leur esprit, et face à leurs yeux, c'est ce verset dont la traduction approximative du sens nous dit ceci, cramponnez-vous à la religion d'Allah tous et ne vous divisez pas. Et aussi cette traduction approximative de ce verset qui dit qu'il fasse attention ceux qui divergent avec l'un de ses ordres, un seul ordre, de qui? De Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne leur arrive pas la sédition, qu'il ne leur arrive pas le châtiment douloureux. Et donc, ainsi ils étaient loin du fait de tomber en divergence avec les ordres du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi ils étaient très loin aussi des séditions et des fitaines, et des perturbations. يقول وهم الذين جعلوا دستورهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فقدروا نصوص القرآن والسنة حق قدرها وعظموها حق تعظيمها فقدموها على أقوال الناس جميعا وقدموا هديها على هدي الناس جميعا واحتكموا إليها في كل شيء عرضا كامل وصدور منشرحة بلا ضيق ولا حرج وسلموا لله ولرسوله التسليم الكامل في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. Il dit, حفظه الله, c'est eux qui ont pris comme loi ce verset dans la traduction approximative dit ceci. Ils l'ont pris comme loi et comme base de leur loi. Ils ont pris ce verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Par ton sevra, ils ne croiront que jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans tout litige qu'ils ont entre eux et qu'ils trouvent rien à dire et qu'ils trouvent aucune gêne quand tu auras tranché et qu'ils se soumettent d'une grande soumission. Il dit, Habidallah, dans ces cas-là, c'est eux qui ont estimé les textes du Coran et de la Sunna comme il se doit. C'est eux qui ont donné l'importance, la réelle importance aux textes. Ils ont mis les textes au-dessus de toute parole, de qui que ce soit. Ils ont mis en avant les guidances et les orientations des textes au-dessus de toutes les orientations qui viennent de qui que ce soit. Ils ont pris comme juge les textes. Ils les ont pris avec une complète acceptation et avec une largesse d'esprit, sans gêne. Ils se sont soumis à Allah et à son messager d'une soumission complète au niveau de leurs croyances, au niveau de leurs actes d'adoration, au niveau de leur comportement et de leurs transactions. يقول حفظه الله هم الذين يصدق فيهم قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Il dit, c'est eux qui sont conformes. Et c'est eux qui sont concernés véridiquement par ce verset qui dit, dans la traduction approximative, dans sa traduction approximative dit ceci, certes, la parole des croyants était, quand on les appelle vers Allah et son messager pour juger entre eux, ils disaient, nous avons entendu, nous obéissons, ceux-là, ce sont ceux qui ont réussi. يقول حفظه الله هم بعد صحابة رسول الله جميعا وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون سادة التابعين. Il dit, ce sont eux qui sont venus après les nobles compagnons رضوان الله عليهم. Et à la tête des nobles compagnons, les khalifs bien guidés, il vient après les compagnons à les nobles érudits parmi les successeurs des nobles compagnons. Et à la tête de ces nobles érudits parmi les successeurs des nobles compagnons, Saïd ibn Musayyib, qui est mort en l'an, après l'an 90 de l'Hégire, Urwa ibn Zubayr, qui est mort en l'an 94 de l'Hégire, Ali ibn Hussein Zain al-Abidin, qui est mort en 93 après l'Hégire, de l'Hégire, et Muhammad ibn al-Hanafiya, qui est mort en l'an 80, et Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud, qui est mort en l'an 94 ou juste après, et Salim ibn Abdillah ibn Omar, qui est mort en 106 de l'Hégire, et Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq, qui est mort en 106 de l'Hégire, et Hassan al-Basri, qui est mort en 110 de l'Hégire, et Muhammad ibn Sirin, qui est mort la même année, et Omar ibn Abdelaziz, qui est mort en l'an 101 de l'Hégire, et Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, qui est mort en l'an 125 de l'Hégire. ثم اتبع التابعين وعلى رأسهم. Et après, il y a les successeurs, des successeurs du noble compagnon d'Allah alayhim. Et à leur tête, Malik ibn Anas, qui est mort en 179 de l'Hégire. L'Auza'i, qui est mort en 157 de l'Hégire. Soufyan ibn Sa'id Thawri, qui est mort en 161 de l'Hégire. Soufyan ibn Uyayna, qui est mort en 198 de l'Hégire, Ismail ibn Ulayya, qui est mort en 193 de l'Hégire, Illayt ibn Sa'd, qui est mort en 175 de l'Hégire. Thumma atba'a ula'i wa 'ala ra'sihim. Et puis arrivent ceux qui ont succédé aux successeurs des nobles compagnons. Et à leur tête, Abdullah ibn Mubarak, qui est mort en 181 de l'Hégire, et Waqi' ibn al-Jarrah, qui est mort en 197 de l'Hégire, et l'imam Muhammad ibn Idris Shafi'i, qui est mort en 204 de l'Hégire, et Abdurrahman ibn Mahdi, qui est mort en 198 de l'Hégire, et Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui est mort en 198 de l'Hégire, et Affan ibn Muslim, qui est mort en 219 de l'Hégire. ثم تلاميد هؤلاء الذين سلكوا منهجهم وعلى رأسهم الإمام أحمد. Et puis arrivent les élèves de ceux-là qui ont suivi le même chemin qu'eux, et à leur tête arrive l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est mort en 241 de l'Hégire. Et Yahya ibn Ma'in, qui est mort en 233 de l'Hégire. Et Ali ibn al-Madini, qui est mort en 234. Et puis leurs élèves, comme le Bukhari, qui est mort en 256 de l'Hégire, Muslim, qui est mort en 261 de l'Hégire, Abu Hatim, qui est mort en 277 de l'Hégire, et Abu Zura, qui est mort en 264, et Abu Daoud, qui est mort en 275, et Tirmidhi, qui est mort en 279, et Nasa'i en 303. Thumma man jara majrahum fil ajyali ba'dahum, et puis ceux qui sont arrivés avec eux, dans les générations qui leur ont succédé, qui ont pris le même chemin qu'eux, comme Ibn Jarir Tabari, qui est mort en 310, Ibn Khuzayma, qui est mort en 311, Daraqutni, qui est mort en 385 de l'Hégire, et Khatib al-Baghdadi, qui est mort en 463 de l'Hégire, Ibn Abd al-Barr al-Numairi, qui est mort en 463 de l'Hégire, et Abd al-Ghani al-Maqdisi, qui est mort en l'an 600 de l'Hégire, Ibn Qudama al-Maqdisi, qui est mort en 620 de l'Hégire, Ibn Salah, qui est mort en 643 de l'Hégire, Ibn Taymiyyah qui est mort en 728 de l'Hégire, Al-Mizzi qui est mort en 743, Al-Dahabi qui est mort en 748, Ibn Kathir qui est mort en 774, et les similaires de ceux-là et leurs contemporains à leur époque, et ceux qui les ont, et les générations qui les ont suivis sur la même voie qu'eux, qui ont suivi le même chemin qu'eux dans le fait de se cramponner au livre et à la sunna jusqu'à nos jours. Ce sont ceux-là, dit Cheikh, que je désigne comme les gens du hadith. Ce sont ceux-là les gens du hadith et ceux qui ont, qui sont sur la même voie qu'eux. Et nous passons au deuxième paragraphe qui est le fait, la citation de certains noms qui concernent les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Comme vous le savez tous, les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna ont un certain nom. Ils ont été désignés par un certain nombre de noms. Ces noms sont légiférés. Et il y a eu la réputation, ils ont eu la réputation avec ces noms, avec lesquels ils se sont distingués des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Parmi ces noms, il y a Al-Hadith, les gens du Hadith. Il y a Ta'if al-Mansoura, la fraction victorieuse. Il y a Al-Firq al-Naji, il y a le groupe sauvé. Il y a Al-Jama'a al-Salafiyya ou Salafiyoun, les Salafis. Il y a Al-Ghuraba, les étrangers, et d'autres noms. Et tous ces noms-là désignent une seule chose. Toutes ces descriptions-là désignent une seule chose, et unique chose. Donc tous ces noms de ce groupe Salafi, tous sont légiférés. Et tous leur origine vient du livre et de la sunna. Prends par exemple le groupe sauvé, le Firq al-Najiyya. Les hommes de science l'ont extrait d'où? Ils l'ont extrait du hadith des groupes. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma communauté se divisera en 73 groupes, tous au feu de l'enfer sauf une. Donc une qui va être sauvée. Ils lui ont dit, laquelle ya Rasulallah? Il a dit, ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. Il en est de même pour le terme Al-Sunna ou Al-Jama'a, les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Il est extrait de beaucoup de textes, dont le livre d'Allah, dont la Sunna du Messager alayhi salam nous ordonne le fait de se cramponner au groupe, de se cramponner à la Sunna et de rester dans le groupe. Prends par exemple le hadith de l'Irbad ibn Sariya que beaucoup parmi vous mémorisent. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences, donc, de divisions. Hein? L'ordre est venu à dire quoi? Cramponnez-vous à ma voix et la voix du Khalif bien guidée, mordu dessus avec vos molaires. Et là, on est de même pour le terme Al-Sunna ou-Jama'a. Hein? Le hadith des groupes, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans une version, il a dit le Jama'a. Le groupe qui va être sauvé, le Jama'a, c'est-à-dire ceux qui sont réunis sur la vérité. Et donc, tous ces noms avec lesquels ont été connus les gens de la Sunna, ce sont des noms qui sont légiférés, dont les origines viennent du livre et de la Sunna. Et que les imams et les grands hommes de science ont accepté à travers les générations musulmanes qui sont passées. Et il n'y a aucune gêne à se faire appeler salafi ou faisant partie du genre de la sunna et ainsi de suite. Il n'y a aucune gêne là-dessus. Et remarquez les noms de ceux qui sont en divergence avec la sunna. Soit ils sont attribués à leur fondateur, soit à leur tendance. Et ils ont aucun rapport avec les textes, aucune légitimité. Il y a eu aussi, à travers les siècles, des noms avec lesquels on a calomnié, on a désigné les gens de la sunna pour les calomnier et pour faire fuir les gens d'eux. Et qui les a appelés ainsi, ce sont leurs adversaires, ceux qui sont en divergence avec la sunna, les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Et ces noms donnés par ces innovateurs n'ont aucune légitimité. Ils ne sont pas acceptés. Et comme disent certains noms de sciences, ils font partie de la catégorie des noms avec lesquels les associateurs désignés sont de la même, du même genre que les qualificatifs que donnaient les associateurs au messager alayhi salatu wassalam. Donc il n'est pas permis de leur donner aux gens de la sunna ces noms qui ont été donnés par les gens de l'innovation. Fait partie de ces noms, ce qu'a cité l'imam Sabouni dans Aqidat Salaf, les gens du hadith. Quand il a dit, rahimahullah, et fait partie des signes des gens de l'innovation, et ces signes sont apparents sur eux, et parmi leurs grands signes, c'est qu'ils sont, ils sont des grands ennemis à ceux qui portent l'héritage du messager alayhi salatu wassalam. Et ils méprisent, ceux qui portent l'héritage du messager alayhi salatu wassalam. Et ils les appellent les gens qui prennent les textes dans leur apparence. Ils les appellent hachawiyya. Et il les traite aussi de donner corps à Allah Azza wa Jal parce que ils reconnaissent les attributs d'Allah comme il sied à sa grandeur. Il les traite aussi d'ignorants ou des gens qui prennent les textes dans leur sens apparent. Et il les traite aussi du fait de ressembler à Allah à ses créatures parce que ils reconnaissent les attributs comme il sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci parce que ces gens-là, ces innovateurs, n'ont pas donné l'importance qu'il faut à la science à hériter par le prophète alayhi salatu wassalam. Et que pour eux, la science, c'est ce que leur dicte leur shayatin, et ce qui résulte de leur raison malsaine. Et pour nous donner des éclaircissements sur les noms des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, l'érudit Cheikh Rabi' de dire, Habidallah, وفي بيان بعض هذه الألقاب يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله الخطيب ألف كتابا سماه شرف أصحاب الحديث ووصفهم بعشرات الأوصاف العظيمة اللائقة بمكانة أهل الحديث من بينها. Et donc, pour nous donner des éclaircissements sur les noms légers ferrés des gens du hadith, l'érudit Cheikh Rabi, حفظه الله, dit que le Khatib al-Baghdadi a écrit un livre qui s'appelle L'honneur des gens du hadith, Sharaf Ashab al-Hadith, dans lequel le Khatib rahmatullah alayh a donné de nobles attributs et de nobles descriptions aux gens du hadith. Il leur a donné des attributs, des descriptions qu'il mérite et qui conviennent aux gens qui portent les hadiths du messager alayhi salatu wassalam. قال انهم الطائفه المنصوره والطائفه الناجيه. Il a dit que c'est le groupe victorieux et que c'est le groupe sauvé, la fraction victorieuse et la fraction sauvée. قال وانهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه. Et que ce sont les héritiers du prophète et les successeurs du prophète, du messager alayhi salam, dans le fait de transmettre de lui. قال وأنهم الغرباء. Il a dit, ce sont aussi les étrangers. Ils sont étrangers au milieu de cette masse d'innovateur. قال وأنهم أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم. Il a dit aussi que ce sont eux qui sont prioritaires à s'attribuer le messager عليه الصلاة والسلام. Et à avoir l'honneur de s'attribuer le messager عليه الصلاة والسلام. قال وأنهم بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a dit aussi que les gens du hadith, ce sont la bonne nouvelle qu'a annoncé le messager alayhi salatu wassalam. وَأَنَّهُمْ حُمَاتُ الدِّينِ بِذَبِّهِمْ عَنِ السُّنَنِ. Et il a dit aussi, deux, que ce sont les protecteurs de la religion parce qu'ils défendent les sunnans du messager alayhi salatu wassalam. Ce sont les gardiens de cette religion et les défenseurs de cette religion car ils défendent les sunnans du messager alayhi salatu wassalam. وَأَنَّهُمْ وَرَثَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا خَلَّفَهُ مِنَ السُّنَّةِ. Et il a dit d'eux que ce sont les héritiers du messager عليه الصلاة والسلام dans ce qu'il a transmis et ce qu'il a laissé comme sunnah. وَكَوْنُهُمْ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنكَرِ. Et il a dit d'eux que ce sont eux qui ordonnent le bien et qui blâment le mal. وَكَوْنُهُمْ أُمَنَاءُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِفْظِهِمُ السُّنَنِ. Et comme quoi ce sont les dignes de confiance du messager alayhi salatu wassalam car ils ont mémorisé et préservé les sunnans du messager alayhi salatu wassalam. Wa kawnuhum khiyarun nas, et comme quoi ils sont les meilleurs des gens. Wa al-istidlal ala ahli sunnah bihubbihim ashabul hadith إلى غير ذلك من الأوصاف الجميلة العظيمة التي وصفهم بها ونقلهم ونقلهم عن أئمة الإسلام. Et donc, et aussi, les gens de la Sunna aiment les gens du Hadith. Hein? Et autres. Ça, c'est une description aussi. Comme quoi les gens de la Sunna, c'est une preuve, le fait que les gens de la Sunna aiment les gens du Hadith. Et autre parmi les belles descriptions que leur a donné Khatib, qu'il a transmis tout simplement, il l'a pris des hommes de science avant lui, des grands imams de la science avant lui. Rahimahullah. Wa qala hafidahullah. وحينما نذكر الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو الغرباء أو أهل السنة والجماعة هذه كلها تطلق على جماعة واحدة هي جماعة الحق المتبعة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عليها. إلجي حفظه الله استدير الشيخ ربيع quand on cite la fraction sauvée, la fraction victorieuse, les gens du hadith, les étrangers, les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, tout ça, ce sont des termes pour désigner un groupe unique. Le groupe de la vérité qui suit le livre et la sunna. Et nous allons parler de cela. يقول وإذا قلنا هذا فإبعادا لللبس ولما يشيعه بعض الناس المتصرعين ويرجمون بالغيب ما يقولونه أننا نقصد بأهل الحديث أو الطائفة المنصورة جماعة في مكان معين فنبرأ إلى الله من هذا القول. وأنا قد كتبت قبل سنوات كثيرة مكانة أهل الحديث وأدخلت فيهم في الدرجة الأولى أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلماء هذا البلد وأهل الحديث في الهند وأنصار السنة في السودان ومصر وفي شرق آسيا وفي كل مكان كل من تنطبق عليه هذه الصفات يدخل في الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث الذين صحت عقائدهم فإننا نعني هؤلاء بهذه الكلمة الفرقة الناجية. إذا قلنا فيهم إنهم أهل الحديث فهم كذلك، لأنهم يتعبدون الله بالحديث في عقائدهم وفي عباداتهم. Il dit, حفظه الله تعالى, et nous disons ceci pour dissiper les faux déguisements et les déguisements que certains gens propagent en parlant, nous attribuons ce que nous ne voulons pas. Ils propagent que nous disons que ce que nous voulons avec les gens du hadith ou avec la fraction sauvée, c'est un groupe bien précis. Nous désavouons de ce que propagent ces gens-là. Et nous nous désavouons de cette parole. Il dit auparavant, moi j'ai écrit il y a quelques années en arrière la place des gens du hadith. Et j'ai rentré dans les gens du hadith en premier lieu. Les disciples de Cheikh Mohammed Nablaab, rahmatullah alayh, et les hommes de science de ce pays, c'est-à-dire de l'Arabie Saoudite, et les gens du hadith qui se trouvent en Inde, ainsi que Ansar Sunna au Soudan, et en Égypte, et à l'est de l'Asie, et en tout lieu. Tous ceux dont qui sont conformes à ces caractéristiques rentrent dans le groupe, rentrent dans la fraction sauvée et dans la fraction victorieuse et dans les gens du hadith qui ont des croyances authentiques. Et ce que nous voulons avec cette phrase, avec ce mot, la fraction sauvée quand on le prononce, ce sont les gens du hadith. Parce qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec le hadith dans leurs croyances, dans leurs adorations. فَإِذَا قُلْنَا الطَّائِفَ النَّاجِيَةُ وَالطَّائِفَ الْمَنْصُورَةُ وَهَلِ السُنَّةُ وَالْحَدِيثُ فَهُمْ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ هَذَا مَنْهَجُهُمْ وَعَلَى رَأْسِهِمْ عُلَمَاءُ هَذَا الْبَلَدِ. Il dit, حَفِظَهُ اللَّهُ, quand on dit la fraction sauvée ou la fraction victorieuse ou les gens de la sunna ou les gens du hadith, pour nous c'est un groupe, c'est un seul groupe. Ça, c'est leur voix. Et à leur tête, il y a les hommes de science de ce pays, en désignant les hommes de science de l'Arabie Saoudite. يقول هذا وأريد أن أبين به هذا وأريد أن أبين به يعني ما يدور حول هذا الموضوع حتى إذا تحدثنا عن الفرقة الناجية أو ذكرنا أهل الحديث أو ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نعني شيئا واحدا. Je veux avec donner des éclaircissements sur tout ce qui se dit autour de ce sujet. Comme ça, quand on cite la fraction sauvée ou les gens du hadith, ou quand on cite les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, cela ne veut dire qu'une seule chose. يقول قد يسبق لساني إلى هذا وقد يسبق كلامي هذا وكل ذلك عندي شيء واحد كما ذكرت لك جماعة واحدة اجتمعت على هذا الحق في السابق واللاحق. Il dit, peut-être qu'en parlant, ma langue va avancer tel terme, ou il va annoncer l'autre terme. Mais pour moi, c'est la même chose. Ça désigne un seul groupe et un groupe unique. Le groupe qui s'est réuni sur la vérité, dont aujourd'hui, hier, avant-hier et en tout temps, c'est le même. Et là, il y a une petite parenthèse à faire. C'est un certain Hizbi, à une certaine époque, Salman ibn Fahd al-Aouda, s'est donné la peine. Il s'est fatigué à faire la différence entre eux, le groupe sauvé et la fraction victorieuse. Et il a fait que ces deux descriptions ne désignent pas la même chose. Alors que la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est que ces deux termes désignent un seul et même groupe. Le plus grave, c'est que il a donné la préférence au groupe victorieux par rapport au groupe sauvé. Et là, le porteur de l'étendard de la réfutation de l'éloge, l'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahullah, wa matta'a bih, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lance sa vie dans son obéissance, il a dévoilé le faux de cet homme et le faux de ses prétentions et de ses paroles, et comme quoi ses paroles et ses divisions est en divergence avec la voix du plus prédicateur d'Allah alayhi. Et ceci, Cheikh Rabi' l'a fait dans sa risala intitulée Ahlul Hadith Hum Ta'if al-Mansour al-Najiyah. Il l'a fait dans son livre, hein, les gens du Hadith, ce sont le groupe, ce sont la fraction victorieuse et la fraction sauvée. قال في مقدمته ومنذ نزلت هذه الكارثة بالأمة وهي التفرق إلى يومنا هذا لم يختلف علماء الإسلام المعتبرون من أهل الحديث وغيرهم في الطائفة الناجية المنصورة أنها فرقة واحدة. Dans l'introduction de son livre, حفظه الله, il a dit, depuis que cette catastrophe est arrivée à la communauté, c'est-à-dire la catastrophe de la division, jusqu'à nos jours, les hommes de science de l'islam, les hommes de science dîne, de la science musulmane authentique, parmi les gens du hadith et autres, hein, n'ont pas eu de divergence sur le fait comme quoi, hein, le groupe, la fraction sauvée, ainsi que la fraction victorieuse, c'est un seul et même groupe. Ils n'ont pas eu de divergence. يقول معظمهم يقول إنها أهل الحديث مثل الإمام أحمد وابن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهم وذلك في وقت احتداء في وقت احتدم فيه الخلاف بين أهل الحديث وأهل البدع الكبرى مثل الجهمية والروافض والخوارج والمعتزلة. Il dit la plus grande partie d'eux disent que la fraction sauvée ainsi que la fraction victorieuse, ce sont les gens du hadith. Comme il l'a dit, l'imam Ahmed, ainsi que Abdullah ibn Mubarak, ainsi que Yazid ibn Harun et d'autres. Et ils l'ont dit à une époque où la guerre battait son plein, la guerre des divergences entre eux, la guerre entre eux, les gens du hadith et les gens de l'innovation, des grandes innovations comme le Jahmiya, le Rawafid, le Khawarij, le Mu'tazila. Hein? L'imam Ahmad et ses grands imams, hein, on dit que la fraction sauvée est victorieuse et la fraction victorieuse, nous disent que les gens du hadith, que c'est un seul groupe. يقول وآخرون يلحقون بهم من هم على منهجهم في الاعتقاد الصحيح وفي التمسك بالكتاب والسنة في جميع الميادين الإسلامية ويشاركونهم في الدب عن السنة وأهلها من باب المرء مع من أحب. Il dit d'autres, hein, rentrent dans le groupe sauvé, la fraction victorieuse et les gens du hadith, tous ceux qui sont sur la même voie qu'eux au niveau des croyances authentiques et au niveau du fait de se cramponner au livre et à la sunna dans tous les domaines musulmans. Et ils défendent, et ceux qui défendent, hein, la sunna et les gens de la sunna, hein, en mettant en application le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, l'homme est avec ceux qu'il aime. يقول وما اظن انه قد دار بخلد احد من اهل السنه ان هناك فرقا بين الطائفه الناجيه والطائفه المنصوره. Il dit je ne crois pas qu'il a effleuré l'esprit de quelqu'un parmi les gens de la sunna qu'il y a une différence entre le groupe sauvé et la fraction victorieuse. يقول ولقد دهشت حينما قرأت كتاب صفة الغرباء للأخ سلمان بن فهد العودة فوجدته قد تكلف التفريق بين ما لا ينبغي الإقدام على التجزئة والتفرقة فيه لا سيما وهو أمر عظيم سلم به علماء الأمة وأصبح من الثوابت والأمور المقررة لديها إذ الإقدام فيه على مخالفة عشرات الأئمة الذين لا يعرف لهم مخالف معتبر بقوله في الخلاف والاتفاق لمما يفتح الباب على مصراعيه على الجرأة على مخالفة علماء الإسلام وأئمته ومصاولتهم في قضايا كبيرة وخطيرة في أصول الدين وفروعه. Il dit, j'étais étonné quand j'ai lu le livre, hein, les attributs des étrangers, l'attribut des étrangers, Sifat al-Ghuraba, qui est le livre écrit par Salman ibn Fahd al-Aouda. Il a dit, j'ai trouvé qu'il s'est donné une grande peine à faire la séparation de certaines choses, hein, où il n'est pas permis de faire la séparation. Alors que c'est un point qui est essentiel, qui est énorme, que les grands hommes de science de la communauté ont accepté et qui est devenu l'un des fondements qui sont confirmés chez la communauté et chez les hommes de science. Hein? Et le fait de faire cette division entre le groupe, la fraction sauvée et la fraction, se donner cette peine pour faire la différence entre le groupe sauvé et la fraction victorieuse, c'est tomber dans la divergence avec des dizaines de grands imams auxquels on ne leur connaît aucun divergent qui est considéré. Et il dit, c'est aussi ouvrir une grande porte. Une grande porte, hein, pour avoir l'audace, une grande porte audacieuse à tomber en divergence avec les hommes de science de l'islam et ses grands imams. Et c'est leur faire face et les contrecarrer sur des sujets très importants, très dangereux qui concernent les fondements de la religion et ses branches. Donc, Cheikh, il a été étonné quand il a vu comment Salman, il a fait la différence, il s'est donné cette grande peine à faire la différence entre la fraction sauvée et la fraction victorieuse, alors que c'est un groupe unique, ça désigne la même chose, et que les grands imams et les grands hommes de science depuis l'aube de l'islam, hein, sont sur cette voie-là, comme quoi la fraction sauvée et la fraction victorieuse, c'est un seul groupe. يقول الشيخ ولم يقف أمر الشيخ سلمان العودة عند هذا العمل الغريب بل تجاوزه إلى ما هو أشد وأغرب منه ويتمثل ذلك في مسائل كثيرة سأناقشه في بعض منها. Il dit, حفظه الله, et la situation de Cheikh Salman ne s'est pas arrêtée là, ne s'est pas arrêtée à cet acte étrange. Il a dépassé à quelque chose de pire et de plus étrange qui se concrétise dans certains points que je vais débattre avec lui. يقول وقال حفظه الله لقد تبين للقارئ المنصف أن سلمان العودة قد تفرد بهذا التفريق المستنكر بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأضاف إلى هذا التفريق المستغرب طامة أخرى وهي تفضيله في زعمه الطائفة المنصورة على الفرقة الناجية التي لم تسلم من حطه وقسوته عليها وهذا أشد نكرا. Il dit, حفظه الله, il apparaît clairement à celui qui est doué d'équité que Salman al-Aouda s'est marginalisé dans cette division blâmable qu'il a fait entre la fraction sauvée et la fraction victorieuse. Il dit, Havidahullah, il a rajouté à cette division étrange une autre grande catastrophe, c'est qu'il a préféré la fraction sauvée par rapport à la fraction victorieuse par rapport à la fraction sauvée. Et cette fraction sauvée, il l'a critiquée, il l'a blâmée d'un grand blâme. يقول وعلى فرض أن بينهما فرقا فالفرقة الناجية أفضل من الطائفة المنصورة عند جميع العقلاء لأن النصر إنما هي وسيلة من وسائل النجاة وأما النجاة فهي الغاية القصوى المطلوبة لجميع المكلفين المؤمنين بما فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذا تجد الطوائف الضالة تدعي كل واحدة منها بما فيها الروافض أنها الفرقة الناجية، لأن النجاة أعلى مزايا هذه الفرقة وعليها يقع التنافس. Supposons même qu'il y a une différence entre ces deux termes, entre la fraction sauvée et la fraction victorieuse. La fraction sauvée est mieux que la fraction victorieuse, c'est tous ceux qui sont doués de raison. Pourquoi ? Parce que le triomphe est un moyen pour être sauvé. Alors que être sauvé, c'est le but. C'est le sommet du but qui est demandé par tous ceux qui ont atteint l'âge de puberté parmi les croyants. Et si le but aussi des prophètes alayhi salatu wassalam d'être sauvés. C'est pour ça, il dit Hafidhahullah, tu trouves que les groupes égarés, chacune d'elles prétend, même Rawafid, elle prétend qu'ils sont le groupe sauvé. Car le fait d'être sauvé, c'est la distinction la plus haute de cette fraction. Et c'est pour être sauvé que la concurrence se fait. Pour être sauvé. Et en passant au troisième paragraphe, qui est l'attestation des grands imams de l'islam. Ils attestent, les grands imams de l'islam et les grands temples de science attestent que les gens du hadith et de la sunna sont sur la voie droite, représentent la vérité, sont sur la voie de la vérité, sont sur la voie claire, et que c'est eux qui sont la fraction sauvée, la fraction victorieuse. قال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين تحت عنوان شهادة العدول الصادقين لهم بأنهم على الصراط المستقيم والحق الواضح المبين. لغي دي كومباتون الشيخ ربيع حفظه الله دي دون سون ليفر لا بلاس دي جون دي حديث et leurs bonnes influences et louables sur la religion. Sous le titre « L'attestation des dînes véridiques », l'attestation des dînes véridiques comme quoi les gens du hadith sont sur la voie droite et sur la vérité claire. « فَذَكَرَ شَهَادَةَ فَقِيهِ الْأُدَبَاء » وأديب الفقهاء الإمام أبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 276 من كتابه تأويل مختلف الحديث. Il a cité l'attestation du jurisconsulte, du littéraire et du littéraire des jurisconsultes, l'imam Abi Abdillah ibn Muslim ibn Qutayba, qui est mort en 276 dans son livre l'interprétation ta'wil muhtalaf al-hadith. ثم شهادة الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعيد تميمي المتوفى سنة 354 للهجرة من مقدمة صحيحين. Et puis l'attestation de l'imam mémorisateur أبي حاتم محمد بن حبان بن معاذ ibn Ma'bad ibn Sa'id Tamimi, qui est mort en 354 de l'Hijr. Il a extrait cette attestation de l'introduction de son authentique. Thumma shahadat al-imam bi Muhammad al-Hasan ibn Abd al-Rahman ibn Khallad Rama Hurmuzi al-mutawaffa sanat 360 min muqaddimati kitabi al-muhaddith al-fasil. Et puis l'attestation du grand imam Abi Muhammad al-Hasan ibn Abd al-Rahman ibn Khallad Rama Hurmuzi, qui est mort en 360 de l'Hijr, il a extrait cette attestation de l'introduction de son livre al-muhaddith al-fasil. ثم شهادة الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية من مقدمة كتابه معرفة علوم الحديث. Et puis l'attestation de l'imam mémorisateur Abi Abdillah محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري كي مور ان 405 دو ليجير الى اكستريس سيت اتيستاسيون دو لانترودكسيون دو سون ليفر ا معرفه علوم الحديث لا كونيسونس دي سيونس دو حديث. ثم شهاده الامام الكبير ابي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنه 463 من كتابه شرف اصحاب الحديث. اي بي لاتيستاسيون دو غون امام ابو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي كي مور ان 463 دو ليجير الا اكستريت دو سون ليفر لونور دي جون دو حديث. ثم شهاده الامام شيخ الاسلام احمد بن حليم بن عبد الحليم بن تيميه رحمه الله المتوفى سنه 728 للهجره. Et puis l'attestation du grand imam Cheikh l'Islam Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah qui est mort en 728. Qui a dit قال رحمه الله من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلوا به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم في طريق أخرى مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوابهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. Il cite ici les paroles du Cheikh l'Islam, le Taymiya. Il nous montre un petit peu les qualités des gens du hadith, comme quoi, qui signifie que ce sont eux qui sont sur la vérité. Il dit ce qui est connu, c'est que les gens du hadith, les autres groupes, s'associer aux gens du hadith, que les gens du hadith s'associent à tous les groupes dans les qualités qu'ils ont. Et ils ont une particularité par rapport à ces groupes. Les gens du hadith ont une particularité. Ils ont des choses que les gens du groupe n'ont pas. Et ceux qui sont en divergence avec les gens du hadith, il va citer sur les points sur lequel il est en divergence avec les autres hadiths, il va citer d'autres voies. Il va citer la raison, la fausse analogie, l'opinion, la spéculation de la parole, c'est la philosophie, nadar, le regard, le mukashafa, qui est le fait, ça c'est sophia, ça veut dire qu'il croit que le voile se lève du cœur du sophi, et le voile se lève sur ses yeux pour voir ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre. Et aussi le wajd. Le wajd, c'est aussi une façon, chez les sophies, qu'ils vont être influencés par leur façon de faire dhikr jusqu'à sentir quelque chose et rentrer en extase et commencer à sauter et à hurler comme des chiens ou comme des ânes et à brailler comme des ânes. Ça, c'est le wajdin. Il met ça en avant comme preuve aussi. Et donc, c'est aussi une situation, c'est le sophi. C'est une situation qui se jette, soi-disant, disent les sophis, dans le cœur de l'allié d'Allah. Et cette chose va faire la différence entre le vrai et le faux. Ainsi prétend-il. Il dit, Hafidhahullah, il dit, Rahmatullah alayhi, c'est-à-dire les paroles de Ibn Taymiyyah, et autre chose parmi ceux-là. Il dit, tous ces voix-là, les gens du hadith ont le meilleur de tout ça. Les gens du hadith ont des raisons qui sont, les meilleures raisons sont chez les gens du hadith. La meilleure des analogies et la plus juste des analogies, il est chez les gens du hadith. L'opinion juste, il est chez les gens du hadith. La parole saine qui va directement au but, il est chez les gens du hadith. La vision saine des situations, il est chez les gens du hadith. La meilleure utilisation des preuves, il est chez les gens du hadith. Les gens qui sont mieux dans la polémique, dans, hein, ce sont les gens du hadith. Les gens qui ont le meilleur sixième des sens, si on veut, firasa, ce sont les gens du hadith. Et ceux qui ont l'inspiration véridique, ce sont les gens du hadith. Et ceux qui ont une vision profonde qui dévoile les choses, hein, ce sont les gens du hadith. Et ceci, les musulmans l'ont par rapport aux autres communautés, mais les gens du hadith l'ont le plus par rapport à toutes les tendances qui existent. Ces nobles qualités, les gens du hadith, hein, dépassent avec les gens des autres tendances. Ils ont le meilleur de tout ça. يقول فكل من استقرأ أحوال العالم les paroles sont toujours Ibn Taymiyyah فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما Et les paroles sont toujours Ibn Taymiyyah. Il dit, rahmatullah alayhi, tout ce qui a lu la situation du monde, hein, il va trouver que les musulmans, ce sont eux qui sont doués des meilleures raisons. Des raisons, hein, saines et les meilleures des raisons. Et qu'ils obtiennent, dans un laps de temps très court, les vérités de science et des actes, le double de ce que peuvent obtenir les autres. Et ceci a été vu à travers des siècles et des générations. Il dit, il en est de même des gens de la sunna et du hadith, tu le trouves, hein, qu'ils ont des capacités et qu'ils sont comblés d'une grande capacité et tout ceci parce que ils ont des croyances qui sont véridiques, qui sont fermes et les croyances véridiques et fermes renforcent la raison, renforce la mémorisation, le fait de capter les choses et, hein, l'authentifier aussi. Et il cite le verset dont la traduction approximative dit ceci, ceux qui se sont guidés, nous avons augmenté leur guidance et nous leur avons donné leur taqwa. Et il cite l'autre verset dans sa traduction approximative, dit ceci, s'ils mettent en application les choses avec lesquelles ils ont été exhortés, ça va être un grand bien pour eux, et ça va être une forte, ça va les raffermir plus. Et nous allons leur donner une énorme récompense, et nous allons les guider vers la voie droite. Yaqul. شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يعلم طارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولف فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم وطارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل وطارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض وطارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالف أعظم مما تشهد به عليهم. Il dit ceci, il est connu. Des fois on le sait et on le connaît par les points de litige qu'ils ont avec les autres. dit chaque sujet dans lequel les autres sont tombés en divergence avec les gens du hadith, il apparaît clairement que la vérité est avec les gens du hadith. Et des fois même, combien ceux qui sont en divergence avec eux, c'est eux qui confirment comme quoi ils sont sur la vérité et qui revient vers eux. Il ne revient pas vers d'autres. Et aussi le témoignage de ceux qui sont en divergence avec eux, les égarés qui sont en divergence avec d'autres égarés, ils viennent prendre comme témoin qui? Les gens du hadith. Et des fois aussi, il y a l'attestation des croyants qui attestent que les gens du hadith sont le mieux. Et les croyants, ce sont les témoins d'Allah sur terre. Et des fois aussi, chaque fraction, chaque groupe égaré, hein, se réfugie vers eux dans les points dans lesquels il est en divergence avec les autres groupes. Et il atteste de l'égarement de l'autre groupe par rapport à la vérité qu'ils ont les gens du hadith. يقول فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين لا تجد الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم كل وقت مخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك كما قال الإمام أحمد آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته رحمه الله مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ألف سوى من صلى في الخانات والبيوت. Il dit quant au témoignage des croyants, les paroles sont toujours à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Il dit quant aux paroles de quant à l'attestation des croyants qui sont les témoins d'Allah sur terre, ceci est clair. Ceci est clair. Et il est rapporté par plusieurs voix, par beaucoup de monde. Hein? Et tous ceux qui ont entendu les paroles du musulman le savent. Tu ne trouveras pas une communauté dans laquelle a été estimé comme sont estimés les gens du hadith comme la communauté musulmane, comment il estime les gens du hadith. L'estime, quand les gens du hadith dans la communauté est énorme, dépasse toutes les communautés, toutes les estimes qui ont été données hein, aux autres communautés et aux autres groupes et aux autres tendances. Et tu trouveras dans la communauté musulmane que les autres vont être estimés par rapport aux choses sur lesquelles ils sont en concordance avec les gens du hadith. Et leur situation, leur valeur va diminuer, et leur situation va diminuer chez les gens par rapport aux divergences qu'ils ont avec les gens du hadith. Et tu trouveras qu'en tout temps, au moment de la vérité, les divergents avec les gens du hadith vont revenir. Aux gens du hadith, ils vont confirmer leur, que les gens du hadith sont sur la vérité. Comme il a dit l'imam Ahmed, l'un des signes entre nous et vous, c'est le jour des funéraires. Hein? L'un des signes entre nous qui va faire la différence entre nous, les gens du hadith, et vous, les innovateurs, a dit l'imam Ahmed, c'est le jour du funéraire. Cheikh l'Islam, il dit parce que la vie, les gens ont des points en commun dans cette vie et des choses qui les lient par rapport à leur vie dans ce bas monde. Et c'est pour ça que l'homme, tu le trouves, qu'il met en avant, qu'il estime sa fraction. Hein? Mais au moment de la mort, il est obligatoire de reconnaître la vérité. Toute la, La majorité des créatures vont reconnaître la vérité. La vérité. C'est pour ça, dit Cheikh l'Islam, qu'il n'a pas été connu un acte funéraire, hein, comme dans l'Islam, comme celle de l'imam Ahmad rahimahullah. Le Mutawakkil a donné l'ordre qu'on mesure là où on a prié sur l'imam Ahmed. Il a trouvé que c'était plus d'un million de personnes, 600 000. Alf, ou si tu me as dit Alf. Ceux-là, ceux qui sont pris, qui ont prié sur la place, hein, où il y a eu la prière du mort. En dehors de ceux qui ont prié dans les maisons, en dehors de ceux qui ont prié dans les magasins, dans les rues. يقول شيخ الإسلام وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة وما تكلم في من تكلم وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق لهم متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية continue de dire, il dit, il en est de même pour Shafi'i et pour Ishaq et pour d'autres. Ils ont eu la place qu'ils ont eu dans l'islam en suivant les gens du hadith et de la sunna. Il dit, il en est de même de Bukhari et de ses similaires. Il a ici de grandes places dans la communauté parce qu'il a suivi les gens du hadith. Il en est de même de l'imam Malik, ainsi que l'Awza'i, ainsi que Tawri, ainsi qu'Abu Hanifa et d'autres. Tous, ils ont eu la place, ils estiment qu'ils ont eu par rapport au fait qu'ils ont suivi les gens du hadith. Leurs paroles ont été acceptées parce que leurs paroles étaient conformes avec le hadith et la sunna. Et quand certains ont subi certaines critiques, ils ont subi ces critiques par rapport aux divergences qu'ils ont eues avec le hadith. Soit parce que le hadith ne leur a pas été transmis, ils ne le connaissaient pas, soit parce que le hadith leur a été transmis, mais ils le considéraient comme faible, donc ils ne l'ont pas pris comme preuve. Hein? Soit ils ont mis autre chose en avant. Hein? Et là s'arrêtent les paroles d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, on peut le dire aussi de nos jours. L'Albani, rahmatullah alayh. Cet homme de science qui n'était pas d'origine arabe. Regardez l'estime qu'il a dans la communauté. Regardez. Pourquoi? Parce qu'il est sur la voie des gens du hadith. Il a pris le même chemin qu'eux. Regardez l'estime qu'il a eu Ibn Baz, qu'il a eu tous ces grands hommes contemporains. Et on a tout compris. وقال أيضا وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض كذلك فأكثر من أن يحتمله هذا الموضع وكذلك ما يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثير وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد لأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخط أحد لا يسخطه أحد. Et il cite un autre passage dans le recueil des fatwas d'Ibn Taymiyyah dans lequel Ibn Taymiyyah il dit et la confirmation, je trouve qu'on a des confirmations des imams de la spéculation, de la philosophie, de leur attestation sur eux-mêmes. Eux-mêmes, ils attestent sur eux-mêmes et sur ceux qui sont dans le même qui étaient dans le même agarrement qu'eux. Parmi les attestations de ces imams de la dissertation de la philosophie, certains, il y a beaucoup de leur attestation. Et aussi dans le fait que beaucoup parmi eux sont revenus à la voix des communs des gens de la sunna et des vieilles des gens de la sunna. Combien de paroles existent? Alors que les imams de la sunna et du hadith, personne parmi eux ne revient vers quoi que ce soit. Car la foi, quand il habite le cœur et quand il s'ancre dans le cœur, hein, il y reste et il y tient. Donc dans les gens du hadith, on ne voit jamais ce retournement de situation. Alors que c'est, comment ça a été la situation de Ghazali, hein, et d'autres, hein, parmi ceux qui sont tombés dans la science de la spéculation, de la logique, de la, comment ils sont revenus à certains, disaient, et, hein, ils remerciaient Allah subhanahu wa ta'ala d'être revenus à aux croyances des vieilles de Naysabour. Et alors que ceci, on ne le connaît pas, les gens du hadith. وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال وهذا باب واسع كما قدمناه وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق فنجد كلام أهل النحل فيهم وحالهم معهم بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم. Et les paroles sont toujours Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Il dit, ils se trouvent de leurs attestations concernant leurs attestations concernant les gens du hadith, comme quoi les gens du hadith sont épargnés de l'égarement. Alors que ces grands imams qui étaient dans l'égarement n'attestent pas aux gens de l'innovation cela. Et ceci, c'est un chapitre qui est grand. Hein? Combien d'attestations, hein, des gens de l'égarement vis-à-vis des gens du hadith, comme quoi ils sont sur la vérité et comme quoi ils sont dans une voie saine, etc. Alors que ceci, ils ne le disent pas des gens de l'innovation et des gens de l'égarement. Et il dit, rahimahullah, et toutes les fractions, toutes les tendances parmi les gens qui suivent leur passion attestent comme quoi les gens du hadith ce sont les meilleurs, que ce sont eux qui sont les plus proches de la vérité. Alors que toutes les tendances, hein, ainsi parlent toutes les tendances. Et leur situation, la situation de ces tendances vis-à-vis du genre du hadith, c'est comme la situation de toutes les, hein, les gens de, des autres religions par rapport aux musulmans et leur situation avec. يقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في الثناء على أهل الحديث ينتشر ذلك في كتبه وفتاواه. Il dit, شيخ الإسلام, il a beaucoup de paroles dans lesquelles il éloge les gens du hadith, et ceci il est éparpillé dans les écrits et dans les verdicts de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول شهادة الإمام ابن القيم قال شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم بن قيم الجوزية متوفى سنة 751 للهجرة في قصيدته العديمة النظير الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية من الصفحة 320 إلى 321 مادحا أهل الحديث وداما من يبغضهم ويذمهم إلى الست L'attestation d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il dit que Ibn al-Qayyim, cheikh l'Islam, Abu Abdillah, Muhammad ibn Abi Bakr, Ibn al-Qayyim al-Jawziya, qui est mort en 751, il a un poème, hein, qui n'a pas d'égal, qui est intitulé « Celle qui suffit, la guérisseuse, dans le fait de faire, de triompher pour le, la fraction sauvée. » Et dans lequel il a un paragraphe de la page 320 à 321, dans lequel il fait l'éloge des gens du hadith et dans lequel il blâme ceux qui détestent les gens du hadith. Yaqul fasl fi anna ahl al-hadith hum ansar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa khassatahu wa la yubghidu al-ansar rajul yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Il dit chapitre que les gens du hadith ce sont eux les alliés du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont fait triompher le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ce sont ces particuliers, ils ne les détestent que quelqu'un qui ne croit pas en Allah et en le-delà. Je vais vous lire un certain passage cité ici dans les poèmes de Kadib ibn al-Qayyim dans le Kafi et Shafi'a, mais leur sens c'est tout simplement éloger les gens du hadith et blâmer les autres. يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، هل يبغض الأنصار عبد المؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل مكان؟ ما ذنبهم إذا خالفوك لقوله ما خالفوه لأجل قول فلان؟ لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو إيمان. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. هذا انتساب أولي الفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول نسبة الإحسان، فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون ودا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها، أفتشهدونهم على البطلان؟ ما ضرهم والله بغضكم لهم إذا وافقوا حقا رضا الرحمن. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. يقول الشيخ حفظه الله: فهذا قليل من كثير في حال أهل الحديث، وواقع وما قيل من مدح بحق وشهادة بصدق. نقلت هذا لمن كان على نهجهم في اتباع الكتاب والسنة ليزداد إيمانا وثباتا، ولمن خدع من المنتسبين إلى السنة بمغالطات وتلبيسات الجهمية والمرجئة وغيرهما من الفرق الضالة، فوقع في شيء من التعطيل والتأويل الجهمي والتخريف الصوفي، أو وقع في مزالق الإرجاء، أو سقط في أفخاخ الجبرية ليعود إلى أصله ويأوي إلى عرينه، فيلزم عرين أهل الحديث ويكون في ركبهم ويتبع حاذيهم. Et Cheikh Rabi' de dire ça c'est peu concernant les gens du hadith. Ces éloges qui ont été cités dans la poésie de Al-Qayyim dit c'est peu. Il dit ce sont des éloges véridiques. Et c'est une attestation véridique. Je l'ai cité pour ceux qui sont sur la même voie que les gens du hadith dans le fait de suivre le livre et le sunna pour augmenter et renforcer leur foi et les raffermir. Et je les ai cités aussi pour celui qui s'est fait trahir, qui s'est fait trahir par certains adeptes de la sunna qui l'ont induit en erreur, ou celui qui s'est fait avoir par les déguisements des jahmites ou le morgéa ou d'autres parmi les groupes de l'égarement, et il est tombé dans les dépouillements des sens des attributs d'Allah et dans la déformation des sens des attributs d'Allah, jahmites, ou qui est tombé dans les histoires à dormir debout des sophies, ou qui est tombé dans le gérondé, dans le gouffre de l'irja, ou qui est tombé dans les pièges des jabrites. Pour qui j'ai cité tout cela, tous ces éloges et toute cette poésie et tous ces éloges dits par ces grands imams, pour qu'il revienne à l'origine, pour qu'il revienne à l'origine, pour qu'il reste, il se cramponne aux gens du hadith et pour qu'il soit avec eux. يقول أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صعبوا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. Aussi ici, ce sont des poèmes qui font les éloges des gens du hadith, où il dit que les gens du hadith, ce sont eux les réels, la réelle famille du prophète alayhissalam. S'ils n'ont pas accompagné sa personne, ils ont accompagné ce qu'il a dit, ce qu'il a laissé comme irritation, comme héritage. La religion de Mohammed alayhissalam, il est dans ce qu'il nous a laissé. Et quelle bonne monture pour celui qui suit, ne te détourne pas du hadith et des gens du hadith. La nuit, ils émettent, ils discutent, ils émettent des opinions. Mais le jour, c'est le hadith. يقول قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Il cite ce verset dont la traduction va nous faire la conclusion de cette assise. c'est la traduction approximative du sens du verset, celui qui obéit à Allah et au messager, ceux-là seront parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et qui ne comprennent que la compagnie de ceux-là. Et ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, il sait. Et donc, celui qui obéit à Allah, celui qui prend le chemin du messager, de ses nobles compagnons. Et quelle bonne compagnie que cela, il faut que nous rappelions que les compagnies des gens du hadith sont vos compagnons sur la voie des gens du hadith. Ce sont les prophètes à l'islam. Ce sont les véridiques. Ce sont les martyrs, ce sont les vertueux. Les prophètes, les véridiques. Et alors, peut-être Abu Bakr Siddiq après les prophètes à l'islam. يقول الشيخ جعلنا الله وإياكم من أتباع أهل الحديث والسلف الصالح إنه سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. Et donc, que Allah subhanahu wa ta'ala récompense Cheikh pour tous ses efforts qu'il a fait dans la défense de la sunna et dans les éclaircissements qu'il a fait de la sunna et de la voie des plus prédisseurs d'Allah alayhim. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui la mettent en application. Wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum, ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan, et à la semaine prochaine, inshallah.